Comme l'un des javoux, il est revenu dans ma vie. L'affection de notre enfance était alors différente. Avec nos retrouvailles surgit l'amour. Dans ses yeux, je trouvais la beauté d'un coucher de soleil, et dans sa voix, le calme dont mon âme avait besoin. Ses baisers et ses caresses étaient comme la douce brise qui passe légèrement pour un chaud après-midi. Il s'est éloigné et maintenant, nous sommes deux étrangers qui joueront pour oublier. Éphémère était la tombe où je l'avais avec moi, et éternelle la douleur que je ressens. Maintenant, je suis là, je vis, je guéris, je rêve, et j'attends les bons moments pour aimer les bons garçons.